le patrouilleur du net. Voici DominiqueArpin.ca. On en apprend un peu plus chaque jour sur le mystère entourant le site Roperio.ca. Depuis près d'une semaine, Xira, une femme qui dit venir du futur, et Patrick Martin, un blogueur de Shawinigan, parcourent le Québec en quête de clés qui serviraient à retrouver l'âme. On ne sait pas trop encore à quoi ressemble cette âme, mais elle semble liée à une révolution, la révolution de la joie. Selon Xira, cette révolution aurait lieu en l'an 2333. Pour revenir aux fameuses clés, tout le monde peut aider le duo à les retrouver. Pour savoir où elles sont cachées, il faut aller sur Roperio.ca, un site qui dit fonctionner grâce à une intelligence artificielle. Pour connaître la location des clés, on doit d'abord résoudre une énigme qui se présente sous la forme de codes, d'anagrammes ou d'images à recomposer. Il se pourrait que vous ayez aussi besoin d'un GPS et d'outils web comme Google Earth dans vos recherches. Jusqu'à maintenant, des internautes ont réussi à trouver une demi-douzaine de clés en se rendant dans les régions de Shawinigan et de Québec. On le voit, dans ce jeu baptisé 33 clés, le joueur n'est pas seulement un témoin passif, mais bien un acteur. C'est un mélange de jeux de rôle, de cinéma et de chasse au trésor, qu'on qualifie aussi de fiction immersive. Si vous voulez plonger dans cette autre dimension, rendez-vous sur le site Roperio.ca.